Non, même pas, voilà, c'est juste la rue. Voilà, c'est l'amour et la mort. Exactement. Qui est-ce qu'un frérot, ça se passe toujours comme ça, je connais. La rue m'a eu, je suis tombé dans ses bras. C'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprendra. En quelques secondes je me branche tout seul, en 5 minutes je fais ta baraque. J'ai du bien en faisant du sale, ils appellent ça travail d'arabe. Avant d'agir je pense aux répercussions, les bons, les mauvais techs. Un texte, des punch, des percussions, je te fais tourner la tête. Et nous la street, pas celle qu'ils admirent, celle qui passe sur BFM. Ils sont pas nets comme des immigrés qui vont voter FM. J'ai mes raisons et j'ai mes torts, pour eux j'ai tort d'avoir raison. Faut mieux prévenir que guérir, j'attends encore la guérison. Mon cas est sale, noirci par les crasses, mes douleurs et mes peines. Dis-moi est-ce que c'est la mort si la vie est une chienne. Quoi, après les sous on en devient fou, on devient pas des ingrats. Jamais. Guette la taille de leur langue et pas celle de leurs bras. Moi j'suis le même frérot, j'ai pas changé, demande à la rose ou slide. C'est les trophées qui cachent tous mes défauts, pas le revers de la médaille. J'ai des frères en cavale et d'autres en mandat de dépôt. On a vendu le béto, donc la vie nous a calciné. On est sorti du zoo mais on va pas chez le veto. On fait pas les James Bond, 3, 5, 7, pas de ciné. C'est la rue qui m'a eu, j'suis tombé dans ses bras. Dans ma tête c'est la vendetta, il faut que j'me refasse tout de suite. C'est la rue qui m'a eu, j'suis tombé dans ses bras. En YZ ou en Clio 3 sera en pleine course poursuite. Un char de sacoche, le cauchemar des touristes. La voiture c'est Porsche, l'assurance c'est tout risque. Eux connaissent rien du tout, mais ils aiment trop faire les puristes. Nous deux pubs qui on sent pas les couilles, on fait courir la police. Je me rappelle de la santé, tordue comme la tour de Pise. À m'embrouiller avec les gradés, cette salope de directrice. Ok, 4 roues motrices, comme Néo dans la Matrix. Fin de carrière assez triste, quand ça se termine à l'octrice. Et ouais, d'ah ouais, c'est la crise, à deux doigts de choper un ulcère. Tout ce que j'ai ISR, c'est qu'on finira poussière. Intervention les iris, qui te massacre à plusieurs. Fais attention, garçon, à ne pas finir comme un loser. C'est le 7-7 des Belleville, un parigot et un banlieusard. Tous les jours, je fume de l'herbe, la richesse est dans les arbres. Petit conseil, t'as appris, var, n'investis pas dans les ânes. Et si tu cherches la merde, tu périras par les âmes. J'ai des frères en cavale et d'autres en mandat de dépôt. On a vendu le béto, donc la vie nous a calciné. On est sorti du zoo, mais on va pas chez le veto. On fait pas les James Bond, 3, 5, 7, pas de ciné. C'est la rue qui m'a eu, j'suis tombé dans ses bras. Dans ma tête c'est la vendetta, il faut que j'me refasse tout de suite. C'est la rue qui m'a eu, j'suis tombé dans ses bras. En YZ ou en Clio 3 sera en pleine course poursuite. J'ai des frères en cavale et d'autres en mandat de dépôt. On a vendu le béto, donc la vie nous a calciné. On est sorti du zoo, mais on va pas chez le veto. On fait pas les James Bond, 3, 5, 7, pas de ciné. C'est la rue qui m'a eu, j'suis tombé dans ses bras. Dans ma tête c'est la vendetta, il faut que j'me refasse tout de suite. C'est la rue qui m'a eu, j'suis tombé dans ses bras. En YZ ou en Clio 3 sera en pleine course poursuite. Espèce d'enfoiré. Ah ouais, c'est comme ça, les gars. Il en vend. Ah ouais, je me rappelle dans ça, dans l'enfoiré, ce mec, je lui demande même pas 3 heures, dès qu'il y a une folle, il sort ça son jeu. Ah ouais, il est comme ça. Même des faux, comme ça, c'est marrant. Des actions comme ça.